Section 3 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 6e. Section 3. Le monde du crime et les grands magasins. Par Gustave Massé. Les grands magasins de Paris, une trentaine tout au plus, servent de lieu de rendez-vous à la haute et basse pègre. De fréquentes soustractions s'y commettent, soit par le public, soit par le personnel. Les femmes, les flâneurs, les amoureux, accourent en foule aux expositions mensuelles de ces magasins, devenus un centre d'opération pour les agents et les voleurs. Lorsqu'une femme pénètre dans un de ces établissements, tout conspire contre elle, coquetterie, séduction, mode et facilité de prendre. Le grand bazar, c'est l'immoralité. On ne saura jamais toutes les larmes qu'il a fait verser, tous les suicides domestiques qu'il a causés. La dernière et terrible statistique, basée sur une période de 5 années, accuse le chiffre formidable de 150 vols constatés par jour au préjudice des 30 principaux magasins de Paris, soit une moyenne de 5 pour chacun d'eux. L'expérience a démontré que les agents de la sûreté et les employés chargés exclusivement des surveillances extérieures et intérieures de ces maisons n'arrivent pas à capturer le quart des voleurs et des voleuses. Pour éviter toute erreur, jamais une arrestation n'est faite qu'après le second vol commis par la même personne. Les agents n'opèrent qu'aux abords et à l'extérieur des magasins. L'inculpé est tout de suite dirigé sur le commissariat. À l'intérieur, ce sont généralement d'anciens inspecteurs en retraite qui font le service. Les vols établis par ces derniers, la personne prise en flagrant délit est déférée au conseil d'administration, convoquée instantanément par une sonnerie électrique, bien connue du personnel. Le conseil statue sur son sort, après l'avoir fait préalablement fouiller. Si elle ne conteste pas, reconnaît le délit, prouve son identité, on compose, et c'est alors qu'elle prend par écrit l'engagement d'indemniser le grand bazar, tout en autorisant, par ce même écrit, l'un de ses délégués à se livrer chez elle à des recherches sans l'intervention de l'autorité judiciaire. Dans cette visite domiciliaire, les marchandises neuves sont seules reprises. Selon son rang, sa position, sa fortune, la femme incriminée verse une somme qui est, dit-on, entièrement consacrée aux pauvres, somme variant de 500 à 10 000 francs. Il y a des arrondissements privilégiés où, plus on vole, moins il y a de pauvres. Si des contestations surgissent, les membres du conseil maintiennent la délinquante en état d'arrestation et elle est conduite devant le commissaire de police. Ce magistrat fait aussi son triage. À la préfecture et au parquet du procureur de la République, le même travail se produit. En réalité, les poursuites devant les tribunaux n'existent plus que pour les pickpockets ou voleuses de profession rompues à toutes les roueries du métier. On ne croirait jamais le nombre de gens qui ont la manie du vol. Mettez le chiffre de 100 000 pour le département de la Seine, et vous serez encore en dessous de la vérité. Toutes les classes de la société y sont représentées. Le vice, la misère et la maladie se confondent. Du côté des hommes, près des plus vulgaires filous, se trouvent des personnalités occupant des carrières libérales, des postes politiques, et ce ne sont pas les moins encombrants. Du côté des femmes, l'impunité leur donne l'assurance. On rencontre une indigente sur 100 voleuses à l'abri réel du besoin. Une ouvrière sur 100 mondaines, et cette ouvrière aura soustrait aux fêtes de Pâques, de Noël ou du jour de l'an un joujou pour son bébé. Il est vrai qu'étant obligée de travailler toute l'année, elle a moins de tentations. Les domestiques sans place commettent de nombreux vols, mais il y en a 10 d'arrêtés contre 100 institutrices, et celles-ci ne dérobent que des gants. Les gants les attirent plus que les mains n'attirent le fer. Elles ne résistent pas en présence de ce rayon fascinateur. Et ces pauvres diplômés, mourant de faim avec leurs brevets, se font constamment prendre. Cet objet de toilette est indispensable pour se procurer des leçons, et, ne voulant pas l'obtenir par des moyens faciles, elles ont recours au vol. Voulez-vous connaître toutes ces femmes du monde portant des noms honorables, qu'un soupçon n'a jamais effleurés, qui ont été cependant déshabillées dans la pièce où se trouvent les fouilleuses du grand bazar? Elles sont enregistrées ici, comme ailleurs, sur les répertoires des voleuses, parmi les domestiques, les filles galantes et les pickpockets. Que de révélations affligeantes contenues dans ces engagements, que certains directeurs rendent aux signataires une fois qu'ils ont été remplis. D'autres directeurs, moins délicats, forment un dossier de police dans lequel ils classent par numéro d'ordre les promesses signées. Le résultat de la perquisition faite, les sommes successivement versées et la correspondance échangée. Si la voleuse appartient au monde de la galanterie, on y annexe sa photographie. Une cabotine en renom tient la première place dans les archives particulières d'un des principaux bazars parisiens. Au 31 décembre dernier, il y a eu dans un seul magasin 105 personnes arrêtées. Elles étaient nanties de plus de 3000 francs de marchandises. Aucune d'elles n'a été poursuivie. Chose étonnante, bizarre, dans les perquisitions, on trouve des objets volés et collectionnés. Ce sont même ces perquisitions qui permettent de distinguer les voleurs ou les voleuses de profession, avec celles que l'occasion pousse à soustraire la chose en vue, souvent des futilités, telles que parfums, savons, rubans, colle, papier à lettres. J'ai trouvé chez plusieurs maniaques des collections de casse-noisettes, tire-bouchons, manches à gigot, boulins à poivre, à café, et jusqu'à des lampes à l'esprit de vin, dont ils n'avaient fait aucun usage. Ces vols étaient commis par tentation et non par besoin. Vous verrez une femme sur mille voler un vêtement pour son enfant. Les confiseurs à la mode, les marchands de gibier, de comestibles, connaissent ce genre spécial de clientes. Ils y ont apporté le remède en plaçant à la porte de sortie de leur magasin un employé dont le rôle consiste à inviter les acheteuses à réparer un oubli, en passant à la caisse y solder le prix de la boîte de bonbons ou du sac de marrons glacés consciencieusement emporté. Madame de F, que vous connaissez, travaille solidairement, en amateur. Elle a, il y a 8 jours, soustrait un pâté de foie gras d'une valeur de 40 francs dans le magasin d'un marchand de primeur, où elle venait de payer d'assez gros achats. Comment soupçonner une pareille femme qui dîne chez les ministres et en reçoit à déjeuner quelques-uns, notamment celui de la justice? Elle a chevaux, voiture, son mari occupe une position honorée et jouit de la considération générale. Elle est riche, à l'abri des séductions de la coquetterie, des exigences de la faim, et peut, sans privation, s'offrir toutes les fantaisies. Ce n'est pas la première fois qu'elle a été surprise, et les marchands de comestibles connaissent sa distraction habituelle et volontaire. De cette galerie, appuyée sur ce balcon qui domine, nous pouvons voir, observer cette marée humaine dont les têtes forment des vagues. Les hommes y sont en faible minorité. Suivons celui-ci à la tenue négligée avec sa cravate à pois blanc. Il est seul. Que vient-il chercher à cette exposition où tout respire la femme? Est-ce un individu que ses intérêts seuls attirent? Cet homme semble faire de prodigieux efforts pour se mettre à l'écart. Il le peut. Un groupe de promeneurs se déplace. Le voilà libre. Non, ce n'est pas sa liberté qu'il cherche. Au lieu d'en profiter, il se remet dans la foule. Il s'y plonge. Il est heureux dans ce mouvement onduleux, produit par cette réunion considérable de femmes d'où se dégagent des émanations, des odeurs qui excitent ses sens. C'est un affolé, un aberré passionnel, se grisant des parfums naturels et artificiels des femmes. Il se fait volontairement porter par la foule qui le presse, l'enserre et le fait avancer de 3 pas pour reculer de 5. Il vit et respire dans cet élément féminin, avec autant d'aisance que le poisson dans l'eau. Quel est l'homme, se trouvant par hasard en contact avec une jeune et jolie femme, qui n'a pas senti un désir le mordre? Eh bien, ce contact, qui agit sur des hommes raisonnables, a une toute autre action sur ceux chez lesquels, depuis longtemps, les passions ont rompu leur digue et déplacé l'équilibre du cerveau. Les uns préfèrent le jardin des plantes, les musées, d'autres les grands magasins, les églises, notamment pendant la semaine sainte, où les piliers servent à dissimuler leurs manœuvres. Au premier degré, on trouve les poloteurs. Ils sont encore peu corrompus, c'est irrégulier, accidentel. Ils se faufilent dans les foules comme celle-ci, s'organisent de façon à passer leurs mains sur la poitrine et la rotondité des belles filles. Au second degré, nous avons les frotteurs. Au troisième degré, est une catégorie curieuse d'individus. Ces aberrés vont d'une cohue à l'autre, hésitent et tournent longuement avant de s'arrêter. Puis, leur choix fait, on les voit s'élancer sur la femme visée et lui embrasser follement les cheveux qui frisent sur la nuque. Puis, ils s'esquivent comme par enchantement, en faisant claquer leur langue d'une façon sonore, se léchant les lèvres pour savourer le parfum que les petites frisettes à la couleur préférée viennent d'y laisser. Frisons d'or, frisons d'ébène, frisons d'argent. Il y a des amateurs, beaucoup d'amateurs pour ces friandises. Ils préfèrent les cheveux relevés, ceux dégageant bien la nuque pour faire valoir le cou et laisser en liberté les petites mèches mignonnes et agaçantes. Mais voici une classe de spécialistes, la plus singulière de toutes. Nous désignons ceux qui en font partie sous le nom de destructeurs. Ces maniaques coupent, à l'aide de ciseaux, les robes, les manteaux des femmes, et les morceaux qu'ils enlèvent sont précieusement entassés dans des tiroirs. Sur l'étiquette indicatrice, on lit avec la date, le nom du magasin, le signalement de la femme, la satisfaction du charme éprouvé. La personne qui a le malheur de faire leur caprice est certaine d'avoir ses vêtements à remplacer. Après les destructeurs de robes, viennent les coupeurs de cheveux. Dans cette catégorie sentimentale de moissonneurs de souvenirs, j'ai interrogé un individu qui s'approchait des jeunes filles de 10 à 12 ans, dont les cheveux tombaient en nappes ou en nattes sur leurs épaules. Munis de ciseaux, ils mutilaient les soyeuses chevelures en les raccourcissant de moitié. Pour terminer cette série, il reste les voleurs de mouchoirs. Le vol du mouchoir à de jeunes femmes est particulièrement connu. À la dernière exposition à Universel, un tailleur du boulevard Sébastopol, après 3 arrestations successives, s'est enfin entendu condamné à 6 mois de prison. Ses 2 premières détentions ne l'avaient pas corrigé. Les nombreux amoureux du mouchoir ne sont plus maîtres de leur volonté. Ils la subissent. Cela devient une possession, comme celle de l'absinthe, du tabac, et, pour tout au monde, ils ne sauraient y renoncer. Les femmes victimes de ces vicieux ne se plaignent jamais, et cela tient à diverses causes. Dans la plupart des circonstances, elles ne sont que regardées, et cela ne peut donner lieu à aucune observation. Quand elles subissent des attouchements, elles se trouvent au milieu de la foule, pressées de tous côtés, assez absorbées pour n'y pas faire attention, surtout si c'est pratiqué discrètement. Lorsqu'elles s'en aperçoivent, et cela se produit, elles rougissent sans protester, restent muettes, redoutant le scandale et les regards curieux des assistants. C'est le cas de la majorité. En ce qui concerne la minorité, pour une raison triste à dire, mais absolument véridique, elle est agréablement excitée par ces manœuvres clandestines et y trouve un plaisir silencieux. L'oisiveté, l'abus de la morphine, prédispose quelques femmes à un état moral correspondant à celui des aberrés passionnels, et certaines formes de l'hystérie produisent des hallucinations bizarres. Ces magasins monstres à la mode forment de réels et tristes sujets d'étude. Mais les annonces, les réclames par la voix de la presse les rendent inattaquables. À côté de ce luxe étalé au grand jour, il y a souvent la misère cachée sous les vêtements des commis et les robes noires des vendeuses. Cette couleur d'étoffe est bien choisie par les courageuses filles. Jeunes, si elles ne sont pas jolies, la plupart ont le courage de rester honnêtes. Elles doivent, pour cela, non seulement se défendre contre les avances des jeunes gens avec lesquels le contact est obligatoire, mais avoir la force de lutter avec les directeurs, les intéressés et les principaux employés. Il leur faut endurer les caprices, les fantaisies des premières et des secondes, personnages féminins, généralement rebelles aux idées de mariage et de maternité. Aussi les jeunes filles les moins réservées sont-elles les mieux appréciées. J'ai connu une employée orpheline, intelligente, travailleuse, digne d'intérêt, n'ayant pas voulu céder à une de ces unions sans amour et sans lendemain. Elle a dû, après 3 années de séjour, quitter la maison et demander un refuge au couvent où elle avait été élevée. Les amandes finissaient par absorber ses appointements. Il était défendu, il y a peu de semaines encore, à ces jeunes filles de s'asseoir. Et à certaines époques, on les voyait épuisées de fatigue, chancelantes et prêtes à tomber. La situation qui leur est faite, le sort qui les attend ne leur permet pas toujours de résister. Les sens agissent facilement dans cette atmosphère spéciale, corrompus par l'ensemble de tous ces êtres vivants. Les tentations les guettent, et l'on comprend qu'elles puissent subir l'esprit d'imitation et se laisser entraîner par la contagion du vice. Fin de la section 3.